It's cool because when you play the solo together, you play each one a solo. It's very nice. I don't speak English very well. Enfin, ce que je veux dire, crew, c'est que quand vous jouez un solo tous les deux en même temps, enfin, c'est hyper sympa, quoi. Alors que ça se marie bien ensemble. Enfin, c'est vraiment cool. Bravo, Evan, aussi. Bravo.